Les Nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Le Japon était alors le moins pauvre des pays asiatiques. Le Japon allait bientôt accueillir les Jeux Olympiques. Au Japon, nous disait-on, tout est tradition. L'individu est ligoté de l'enfance à la mort. Il sait ce qu'il doit faire, il sait surtout ce qu'il ne doit pas faire. La tristesse était-elle vraiment un trait du caractère japonais? Le Japon allait-il être bousculé par la vie moderne? Ne pourrait-on plus bientôt retrouver le véritable Japon qu'à la campagne? Direction le Japon, première diffusion sur la chaîne nationale, le 16 juin 1963. Japon des samouraïs et Japon de l'avenir. Une émission de Maurice Bitter. Qu'évoque le mot Japon ? Qu'est-il en réalité? Voici la question posée. J'ai tenté de la résoudre en compagnie d'amis vivant ici depuis plus de 20 ans. Avec eux, j'ai parcouru les routes, sondé les espaces et même, fait assez rare, connu des Japonais en leur vie quotidienne. Ce qu'évoque le Japon? Irrésistiblement, les cerisiers en fleurs surgissent. Madame Butterfly pleure. Les judokas luttent. Les murs de papier huilé glissent. Les samouraïs s'éventrent. Hiroshima ouvre la porte de l'enfer. Les kamikazes, celle de l'effroi. Les images classiques se chevauchent et brouillent la vision du frais débarqué. D'autant plus que tout contribue à le justifier. Or, le Japon est cela. Bien plus que cela, et bien moins encore. Qu'est-il? Il me fallut longtemps pour le savoir. La culture étant le reflet d'un peuple, je commençais à me renseigner sur celle-ci. Comment se présente la culture au Japon? C'est une question à laquelle il n'est pas très facile de répondre, car quand vous arrivez au Japon vous-même, si vous cherchez à le comprendre directement, eh bien c'est un peu comme si vous ouvriez un bouquin de mathématiques à l'avant-dernière page. C'est évident, vous ne comprendrez rien, vous verrez des formules, mais vous ne pourrez pas les suivre, ni même les adapter à votre vie personnelle, parce que vous n'aurez pas l'ABC. C'est-à-dire que le Japon est différent. Le Japon est extrêmement différent, mais pas tellement dans les apparences. Car le Japon a, au cours des siècles et au cours des 50 ou 60 dernières années, tellement emprunté qu'on se croit dans un contexte familier. On retrouve des apparences familières. On réalise très vite que derrière les apparences, le tout reste très profondément japonais. Quelle est la littérature japonaise actuelle qui fasse fureur? Eh bien, en général, c'est une imitation de littérature occidentale. Ça consiste en histoire un peu longue, assez filandreuse, où le héros est très souvent une ménagère japonaise ayant la cinquantaine et qui tombe amoureuse d'un étudiant de 14 à 15 ou 16 ans. Et évidemment, avec toutes les complications que ça peut impliquer. Ceci dit à la japonaise avec beaucoup d'euphémisme, beaucoup d'élégance. Tout le monde pleure parce que la tristesse est quand même un trait du caractère national. Peut-être est-ce dû au climat, au temps, à la couleur gris des arbres, des sapins, etc. Mais enfin, le Japon étant triste, la littérature se doit de l'être aussi. En France, on connaît surtout le cinéma japonais par des films genre Rashomon, qui ont fait fureur à Paris, et dont on a dit que pourtant, il n'était pas parmi les plus grands au Japon. Est-ce vrai? Eh bien, avant d'être primé en Europe, le film Rashomon était effectivement complètement ignoré du Japon. Mais puisque Rashomon a été un succès à l'étranger, notamment en Occident, Rashomon est devenu depuis un succès au Japon. Japon donc tourné vers l'Occident. Ma route personnelle, pour sa connaissance, commença, elle, dès l'arrivée dans la nuit froide. Des heures durant, le car venu nous chercher à l'aérodrome roula à travers d'interminables rues sans relief. Les phares éclairaient des hommes bâillons blancs sur la bouche, comme c'est la coutume là-bas quand il fait froid, des temples shintoïstes, des panneaux verticaux zébrés de caractères noirs. De temps à autre, des braseros éclairaient en tableaux dignes de Goya des groupes emmitouflés à l'haleine fumante. Réveillé à l'aube, je regarde par la fenêtre de ma chambre d'hôtel. Devant moi, au cœur de Tokyo, glisse lentement un fleuve. Deux enfants immobiles l'observent. Sur une petite colline, un arc sculpté indique la présence d'un temple. Un arbre décharné tend ses moignons devant la fenêtre. Soudain, je comprends l'insolite du fait. Pour la première fois depuis près d'un an, je vois un arbre dont les feuilles sont tombées. Le Japon coïncidera pour moi avec l'hiver. D'autant plus que dès ma première sortie, je vois s'arborer en toutes les maisons les signes de liesse, les caractères de préparation pour la Noël. Devant les grands magasins, à l'instar des nôtres, des Pères Noël en barbe blanche, encapuchonnés de rouge, tendent des prospectus aux passants affairés. À quoi correspond donc cette fête pour un peuple dont une infime minorité est chrétienne, peut-être 300 000 sur près de 100 millions d'habitants? On m'apprend, pourtant, que c'est la principale réjouissance de l'année, celle qui arrête pratiquement toute activité entre le 15 décembre et le 15 janvier. Et pourtant, elle n'existe que depuis 1945 et l'arrivée des troupes américaines. Vous voulez me dire comment se passe la Noël ici à Tokyo? Dans un grand magasin, il y a beaucoup de choses que on vient pour acheter. À la soirée de Noël, on danse, on voit la télévision. C'est donc une fête familiale maintenant. Et on s'amuse dans la maison. C'est ainsi que je me heurte pour la première fois à la capacité d'absorption du peuple japonais. Bien des choses viennent de l'extérieur, depuis le Moyen-Âge. En commençant par la langue fruste, dérivée du chinois. Les Japonais sont malheureux de leur isolement géographique par rapport à l'Occident auquel les rattache leur énergie, et curieusement, par rapport à la France. Comment est considérée la France au Japon? Mais la France jouit toujours d'un préjugé très favorable qui, si vous voulez, n'a fait que s'amplifier en 1945. Hein. Voilà ce qui s'est passé. En 1945, les Américains ont occupé le pays, l'occupation a été très douce, mais les Japonais ont été très, très déçus. Pour eux, le peuple qui les avait vaincus devait être un peuple de surhommes. Or, ils se sont rendus compte que les soldats américains, comme un peu tous les soldats de n'importe quelle armée, surtout hors pot, n'étaient après tout que des soldats. En ce qui concernait les Américains, ils lisaient surtout des bandes dessinées ou des cartoons, plutôt que des textes un peu plus compliqués. Et par contraste, les Japonais sont tournés vers l'Europe. Pour eux, la France, par exemple, était un petit peu comme la Grèce antique, un foyer de civilisation, et ce qui a permis aux Français, à ce moment-là, de réexporter pas mal de livres et de films. Et nous vivons toujours, d'ailleurs, sur ce préjugé favorable qui nous entoure au Japon. Où voulez-vous aller, me demande un ami qui me propose une tournée des Grands-Ducs à Tokyo. Là où vous verrez des spectacles typiquement japonais pour un public de touristes. Ou bien là où vont vraiment les Japonais. La réponse va de soi. Je ne veux pas de visage pâle, je suis servi. Au premier, dancing, boîte de nuit, théâtre, je ne sais trop que dire, une multitude de Japonais m'entourent, béat. Des hommes uniquement, car on ne sort pas avec sa femme ou son ami au Japon. Et voici ce que cela donne. Comment s'appelle cet endroit? Ici? Nous sommes à l'Albion. L'Albion, pourquoi ce nom? Pourquoi pas? Oui, au Japon, il ne faut pas dire pourquoi, je crois. La seule question qu'on puisse poser ici, c'est la question pourquoi pas. L'endroit est décoré d'une façon assez infâme, il faut le dire. Hein. Oui, mais je suis d'avis d'ajouter que c'est les décorations de Noël préparées pour l'occasion. Les jeunes filles en ce moment, parce qu'il y a un certain nombre de jeunes filles, habillées dans une sorte de pyjama bleu collant, très maquillées. L'une d'entre elles me montre du doigt les consommations parce que je présume qu'elle désirait qu'on nous les renouvelle. Exactement. Il y a d'horribles lumières rouges qui s'allument et qui s'éteignent au rythme de l'orchestre. Tout est surchargé de mauvais goût. Les jeunes filles dansent sur place. On ne sait pas trop où se trouvent, mais toujours d'une façon certaine, très loin du Japon. Du Japon tel qu'on l'entend. Nous sommes au cœur de Tokyo. Aux petites tables sont assis les hommes, par deux, par quatre. Aucune femme. On ne sort pas les femmes, je crois, au Japon. Très rarement, parce que le japonais ne veut pas s'exposer à quelques vexations en public. Sa femme lui dira « ta cravate est de travers », etc. Et ça le gênerait terriblement. Il y a plus forte raison dans un endroit comme celui-ci. Mais qui, en fin de compte, très innocent. Extrêmement innocent, bien sûr. Il ne s'y passe rien. Beaucoup de bruit. Ça, nous l'entendons. J'attends toujours un moment de musique folklorique, n'est-ce pas, vous me l'avez promis. Vraiment, venir au Japon pour entendre des chants espagnols. Pourquoi pas? Toujours pourquoi pas. Il reste néanmoins un art théâtral typiquement japonais. On joue des no, sorte de mime extrêmement lent, où chaque geste est stylisé. Ou le kabuki, spectacle très riche, avec de nombreux décors et de somptueux costumes. Comme la tradition le veut, les hommes seuls jouent, même des rôles de femmes. Le spectacle peut durer une journée entière. Les spectateurs se lèvent pour manger dans le hall, boire, fumer, reprennent leur place et rattrapent facilement l'action de la pièce, celle-ci étant extrêmement lente, comme on l'imagine. On peut dire, sans grande exagération, que tout est tradition au Japon. L'individu y est placé sur les rails de l'existence. Il est ligoté de l'enfance à la mort par ce qu'il doit ou ne doit pas faire. De plus, un régime militaire, presque tout au long de son histoire, n'a guère arrangé les choses. J'ai vu au moins une grande usine où tous, de l'ouvrier à l'ingénieur, portaient des grades fictifs. On n'allait pas chercher le contremaître, mais le capitaine, par exemple, etc., etc. Et ceci n'est pas un exemple unique. L'impératif presque primordial est cette fameuse face à ne pas perdre. Cela mène à de petites histoires amusantes ou d'autres plus tragiques. Dans le premier registre, il n'est guère d'étranger qui n'ait pris un jour un taxi dont le chauffeur, à l'énoncé de l'adresse, ne lui claironnait un « Hi, oui, vigoureux » et ne lui déposait n'importe où. La bonne volonté n'est pas à mettre en doute, mais le chauffeur, ne connaissant pas l'adresse, préfère ne pas perdre la face en la voyant et emmène le malheureux client au diable Vauvert. La face ne fut pas perdue durant cette guerre. Seule la bombe atomique, arme surhumaine, pouvait battre les héroïques nippons. Cela offre de nos jours la possibilité de faire un commerce valable avec de petites bombes en plastique au centre touristique d'Hiroshima. Mais ce qui se vendit le mieux fut des millions de petites statuettes de plâtre, made in Japan, représentant des soldats américains plantant le drapeau étoilé au sommet du Fuyama. Les affaires sont les affaires. Est-ce ce réalisme qui fit le miracle économique japonais? Le fait plutôt du réinvestissement presque total, sans préoccupation d'infrastructures, des traditions paternalistes et de l'aspect féodal du grand patronat. Je roule quant à moi autour d'une enceinte de pierre entourée d'eau, au cœur même de la ville, ressemblant au Kremlin. C'est la résidence de l'empereur. Mais l'on parle beaucoup de déménagement. C'est que la municipalité de Tokyo désire en faire un parc national. Le prétexte choisi est que l'empereur est trop près des fumées des cheminées d'usines de la capitale. Le taxi s'arrête, la porte s'ouvre automatiquement, un des multiples gadgets touristiques, et j'entre en un pachinko. C'est une sorte de kermesse où ne fleurit qu'une seule sorte d'appareil à sous accroché au mur. On lance des billes sans pouvoir les diriger. Une sonnerie retentit en cas de gain. Par la chute dans un bon trou, s'obtient d'autres billes qui permettent à la sortie d'avoir des paquets de cigarettes, de chewing-gum, etc., etc. C'est tout. Une statistique démontre qu'il existe en moyenne au Japon un jeu de pachinko pour 2 habitants. Une moyenne de 1 heure de jeu quotidien par tête. D'autres statistiques, toujours officielles, publiées par le gouvernement, annoncent que les salariés japonais dépensent actuellement 20% de leurs revenus en loisirs, soit proportionnellement autant que les salariés américains, dont les rémunérations sont pourtant 5 fois plus importantes. Pourtant, les conditions de logement des Japonais restent difficiles. Beaucoup de leurs loyers n'ont pas encore l'eau courante. L'alimentation est souvent insuffisante. Les routes en mauvais état, etc., etc. Néanmoins, fait presque inconnu, le Japon, classé comme le moins pauvre des pays asiatiques, a comme principale exportation celle de ses capitaux. Sortant du pachinko, j'entre dans le métro. La foule s'y écrase aux heures d'affluence aussi bien qu'à New York. Des étudiants reçoivent d'ailleurs une somme modique ou la gratuité de transport pour pousser, aux heures d'affluence, les voyageurs dans les rames. Autre petit métier pour les étudiants, les étudiantes plutôt, celui de vendeur du dimanche. En effet, les grands magasins restant ouverts et pour cause ce jour-là, ce sont des étudiantes ou écolières en colmarin et à brassard qui remplacent les vendeuses habituelles. Cela fait partie de la multitude de petits emplois, dont celui de jeunes filles aux portes des magasins ou autres grands centres commerciaux, disant avec courbette à tout visiteur « Merci monsieur d'être venu, au revoir monsieur, merci monsieur d'être venu », destiné à augmenter tant soit peu le gain mensuel du chef de famille. Sortant donc du métro, je vais manger en un des nombreux restaurants près du building Yubuya Mutsui. Où ne retrouve-t-on pas ce nom d'ailleurs ? Tous les plats sont exposés en plâtre coloré sous une vitrine. Je n'ai qu'à désigner du doigt pour me faire servir la nourriture équivalente, ou presque. Coutume que j'adore. Celle des serviettes chaudes, enveloppées dans du papier cellophane comme des berlingots. On les apporte avant le repas pour s'en essuyer la figure et les mains. À l'extérieur, les gens font la queue au cinéma dans les meilleures traditions occidentales. Une japonaise en kimono et soc de bois, on peut presque tout savoir d'elle par ce vêtement et la façon dont il est disposé, fait suite à une autre jeune fille en tailleur et à talons à aiguilles. Constamment surgit ainsi un pan du Japon ancien dans l'architecture du Japon moderne. Entre le tailleur et l'hobby, aucun doute, le tailleur vaincra. D'autant plus que le Japon tout entier attend avec impatience un rouge occidental sans précédent. Une nouvelle invasion, celle des Jeux Olympiques qui va se dérouler en 1964. Quel est votre nom, monsieur? Je m'appelle Itsuo Tsuda. Vous êtes de Tokyo même? Oui, j'habite Tokyo. Il me semble que tout le monde attend les Jeux Olympiques qui vont se passer en 1964. Et on est très impatient à accomplir toutes sortes de préparatifs. Par exemple, quel préparatif en ce moment? Eh bien, l'aménagement des grands stades, puis pour permettre ces constructions, on a même demandé aux armées américaines de faire déménagement de leur leur habitation. Et ensuite, vous avez un grand stade, je crois, qui vient de changer de nom même, qui s'appelle Stade Olympique maintenant. Il a combien de places? Il y a 100 000 places, et puis il y en a d'autres qui sont en projet. J'ai cru voir que les agents de police également avaient toute une préparation. Oui, les agents de police se mettent à apprendre l'anglais et il y a des cours spéciaux organisés. Et j'en ai même vu le chiffre d'après ce que m'avait dit un officier de police. Je crois qu'il y a 20 000 agents de police qui en ce moment se préparent à répondre à toutes les questions que peuvent leur poser les touristes. Pourtant, on peut retrouver encore le vrai Japon à la campagne. L'ancien décor de la vie rustique est resté presque intact dans les vieilles fermes que j'ai visitées, où presque tout est fait de matériaux naturels. En paille, les nattes, les bottes pour la neige. En papier, les fenêtres, les portes, les paravents, les parapluies. Qu'importe le froid qui glace les paysans accroupis autour de quelques braises, le respect de la tradition prime tout, et le logis, évidemment conçu pour un climat subtropical, s'est transporté presque sans changement dans un climat du nord. Là aussi, la tradition est tout. Bien des aspects de ce mode de vie sont des survivances qui semblent être condamnées en un pays qui se veut démocratique. Les mariages sont toujours arrangés par les parents. Les fils mariés vivent toujours sous le poids du père et sous sa tutelle rigoureuse. Les femmes ne mangent pas avec les hommes et la bru fait la servante. L'héritage se transmet au fils aîné en dépit des nouvelles lois égalitaires successorales. La condition féminine de seconde zone est bien connue au Japon. Pourtant, ce ne fut qu'à la fin de mon séjour que j'appris un joug supplémentaire. La femme japonaise n'est pas censée parler de la même façon que l'homme. Elle a ses propres tournures de phrases, des tournures mièvres, ses gestes, s'attraper la manche du kimono par exemple pour souligner telle expression, sa langue même. Ce qui fait sourire l'ami japonais, malgré son impassibilité légendaire, lorsqu'un étranger étudie sa langue, et emploie, sans le savoir, des tournures féminines. Le grand sourire même, témoignage aux yeux du touriste de la parfaite courtoisie japonaise, est un rite de défense. On sourit quand on est ennuyé, ne pas perdre la face. Et le plus grand sourire que l'on puisse voir est celui du chauffeur de taxi apostrophé par un agent de la circulation. Dans les campagnes, l'art populaire est resté vigoureux. Quelques-unes des plus belles soies du Japon viennent encore de pauvres hameaux perdus. Les femmes les tissent à la main, mettant quelquefois des années avant de créer le rouleau qui pourra faire un kimono, dont le prix répond d'ailleurs au temps écoulé. Le temps est de toutes les façons fort abstrait ici, où l'on regarde les femmes étudier des années durant plusieurs heures par jour en des écoles. L'enseignement y est composé de deux matières seulement, l'art floral et l'art du thé et de sa présentation. J'y suis allé à plusieurs reprises admiratif. 5, 10, 100 fois, les mêmes gestes se reprenaient à des millimètres près. Telle inclinaison de la tasse était prescrite, tel salut superflu. Le résultat cherché va d'ailleurs plus loin que la simple cérémonie elle-même. Elle se rattache par sa concentration d'esprit Même chose pour le bouquet de fleurs en son vase, à la philosophie zen. Ce sont des ethnologues que j'aimerais voir arriver ici de l'étranger. La pensée m'en traversait l'esprit, tandis que mon avion me ramenant vers Hong Kong survolait de 7000 mètres le Fuyama au cratère neigeux. Il est encore temps, clamait mon cerveau surexcité, tandis que je m'emplissais les yeux du gouffre étincelant de lumière. La vie moderne va bousculer ce pays. Il faut l'observer, l'analyser, le peindre lui aussi, avant qu'il ne s'éclipse et laisse place à un Japon toujours intéressant à voir vivre et progresser, mais bien moins passionnant à étudier. Le Japon des samouraïs va disparaître. C'est peut-être un bien, mais aussi le Japon des dieux sylvestres, des diables rouges et de son peuple campagnard honnête et simple. Au profit de quoi? D'un Japon moderne, dans lequel la démocratisation ne semble pas encore suffisamment entrée dans les mœurs pour que l'on ne se défende d'un certain pessimisme. C'est pourquoi il faut fixer ce moment de son histoire où il bascule des samouraïs vers l'électronique. C'était « Japon des samouraïs et Japon de l'avenir » par Maurice Bitter. Première diffusion sur la chaîne nationale le 16 juin 1963. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».